Spider Skill. Tu croyais femme tranquille. Laisse tomber, c'est moi qui gère la zone. Un petit rocher, au loin je le vois, c'est mon nœud. J'y vais 100 fois, les arbres tombent comme des proies. T'entends le bruit, ouais c'est pour moi. Pickaxe en main, skin brillant, sac de champ full souriant. Le soleil tape, je suis torse nu, mais je te quinteur même en claquette, t'as vu. Gratte pas trop, c'est moi le spot. Fais gaffe, le farm c'est pas open bar. T'arrives chill, je te drop un shot. Même en slip, je protège mon buisson rare. On loot, on danse, on chante en vache. L'été c'est chaud, mais je garde la clash. Rider skill brille, même sous les palmiers tu farmes. Ouais, mais t'es farmé. La base est chill, les vibes sont douces. Mais si t'approches, te couches sans mousse. Y'a des viewers, y'a la musique et des cailloux pour te faire tragique. J'ai un melon dans l'inventaire, je le mange pendant que je fais ton calvaire. T'as pas build? Dommage frérot, je t'ai vu trop tard, t'es dans le rétro. Gratte pas trop, c'est moi le spot. Même l'été, je garde mes skills au top. Base bien rangée, coffre qui claque. Chaque petit farm finit en claque. On chill, on boit, on parle de raid. Mais je pose mes pièges sous la canopée. Ruste en été, c'est le bon combo. Mais touche à rien ou je passe en mode pro. C'est le farm de la paix. Jusqu'à ce que je me retourne, là je vois ton pseudo. Et j'ai plus faim de boire, j'ai faim de toi. Gratte pas trop, c'est moi le spot. J'plante mon drapeau sur ta grotte. Même dans l'eau, j't'envoie des flèches. Et j'finis au son de la fête. T'as pas pile, bah c'est pour moi. J'vais poser des walls et prendre ta voix. Rider Sky en été, c'est stylé. Mais sur ton cadavre, j'vais danser. Gratte pas trop, c'est moi le spot. Chaud comme la map, j'suis dans le top. Streamer, viewer, ambiance soleil. Farm et fight en mode arc-en-ciel. C'était Rider Skill. À l'ombre de ta mort. Avec une coco dans la main. Et ton stuff dans le sac.